Bosco, Douiman. Bonjour à tous, voici les grands titres de cette grande édition pour cette mi-journée du 26 août 2020. Les grands titres. Les travaux de reconstruction de la route Bujumbura-Rumonge vont être relancés avant la fin de cette année, selon le directeur général des routes. Et les victimes des inondations regroupées dans différents sites vont bientôt regagner leur ménage, tandis que ceux qui avaient loué des maisons recevront un appui financier de la part de l'État pour louer d'autres maisons dans d'autres quartiers. Et le directeur général de la plateforme de gestion des catastrophes donne d'autres précisions dans ce journal. Dans la chronique sur les messages de haine, un politologue nous expliquera que les mauvais leaders naissent de l'impunité des malfaiteurs. En actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a certifié ce mardi 25 août avoir éradiqué la poliomyélite sur le continent africain. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les victimes des inondations réunies dans des sites vont bientôt regagner leur ménage. Le directeur général de la plateforme de gestion des catastrophes affirme que ceux qui étaient des locataires vont recevoir de la part de l'État des moyens pour aller louer des maisons dans d'autres quartiers. Antoine Nemako annonce pour bientôt la délocalisation des victimes des quartiers Mouchacha et Gaharawe dans un autre site provisoire situé à Kinyinya 2. On l'écoute. Ces gens de Katumba se trouvent dans une zone très vraiment vulnérable, vu son altitude, à peine quelques mètres, si ce n'est qu'un mètre ou deux mètres au-dessus du niveau du lac Tanganyika. Donc, le risque reste grand avec les pluies qui vont également s'annoncer. Surtout que le niveau du lac n'a pas baissé aujourd'hui, parce qu'il y a eu des montées du niveau des eaux du lac de façon anormale. Vu la vie des populations qui se trouvent dans les sites que je viens de citer, on a fait une réunion. On a tiré la conclusion que ces populations qui se trouvent dans les sites commencent à regagner progressivement les lieux où ils étaient. Mais il y a certains endroits où il est impossible de retourner dans un premier temps. C'est le quartier Mouchacha 1, Mouchacha 2 et Gaharawe. Mais pour les gens qui étaient dans Kinyinya 1 et Kinyinya 2, et Mouyang 1 et Mouyang 2, ceux-là, ils peuvent retourner progressivement avec l'appui progressif de l'administration territoriale et des partenaires. Cependant, comme beaucoup de maisons ont été détruites, certains doivent attendre dans un site provisoire à Kinyinya 2. Et en attendant qu'ils refassent maintenant progressivement, les sites à démanteler. C'est le site Kigramango à tout prix. Il faut qu'ils sachent que ce site n'est pas vivable, n'est pas habitable. Il nous a été très compliqué même d'installer des sanitaires. Et pour les gens qui se trouvent dans le site déplacé à Maranvia Sobel, on voudrait qu'ils approchent Katumba pour qu'au moins la société culturelle trouve près de chez eux. Et aussi, ils doivent regagner le site transitoire de Kinyinya 2. Et enfin, au gouvernement, on peut demander qu'il y a un besoin, et urgent d'ailleurs, de penser à une relocalisation de certains ménages, à une relocalisation carrément déjà de Mouchacha 1, Mouchacha 2 et Gaharawe pour qu'ils puissent aller ailleurs que Katumba. Pour ce qui est de Mouboné, le site, ce site, c'est un site à démanteler. C'est de Ouinherekwa. Il y a eu des locataires qui étaient dans le quartier. Il y a également des propriétaires des parcelles et des maisons qui sont écroulées. Il faut que les gens au moins sachent que ce site également c'est à démanteler. Les locataires doivent partir ailleurs pour louer ailleurs. Donc il n'y a pas de site de déplacés climatique à Medo Bujumbura. Le directeur général de la plateforme de gestion des catastrophes, Antoine Nemako, dont les propos ont été recueillis par Yvette Nijimbere. Les travaux de reconstruction de la route Bujumbura-Rumonge vont être relancés avant la fin de cette année. C'est ce que déclare le directeur général de l'Office des routes, qui dit également que le pont se trouvant au quartier Kamesa sur la route Bujumbura-Ijenda va être réhabilité. Émile Ndaïsaba fait savoir que les études sur ces projets touchent vers leur fin. Suivez-le au micro de Lydia Himbari. La construction de la route Bujumbura-Rumonge, c'est précisément la route LN3. Nous avons déjà fait la publication puis le recrutement des entreprises. Après avoir fait la sélection, nous avons envoyé auprès de la Banque africaine pour le développement, ainsi que BAD, pour qu'ils fassent des observations. Et les premières observations nous ont été encore retransmises. Et pour le moment, nous avons fait des corrections se référant à ces observations. Et pour le moment, nous avons envoyé chez Obaye pour qu'il puisse quand même faire une approbation. Et les usagers de cette route avoir de l'espoir que les travaux vont commencer. Et qu'ils patientent toujours, mais ce que je peux dire par là, cette année ne se terminera pas avant que les travaux quand même puissent commencer. Espérons que d'ici quelques mois, avant la fin de cette année, les activités vont se lancer. L'approbation de la Banque de développement africaine. Il y a aussi le pont Kamesa qui est en destruction totale. Que pensez-vous à sa construction? Pour le pont de Kamesa, nous avons fait des études, nous avons mis une équipe qui était chargée de faire les études à cette époque. Mais pour le moment, on est en train de refaire des vérifications à propos de ces études. Mais nous pensons d'ici quelques semaines, ces études seront disponibles et par après, nous allons envoyer chez le ministère des Finances afin qu'il puisse quand même voir si le budget peut être disponible pour la réhabilitation de ce pont. Émile Ndayisaba, directeur général de l'Office des routes. Et les conducteurs de taxi-moto et vélo de la province Ngozi, réunis au sein des coopératives, s'inscrivent en faux contre leurs représentants. Ils déplorent le manque d'informations quant à l'affectation de leurs cotisations journalières. Le chargé de la régulation et la promotion de telles coopératives au niveau national, Bosco Ndaishimiye, promet de se charger de la question et ainsi fait rapport à ses membres en déant un mois. Apollinaire Muzagara. Ces conducteurs de taxis et motos ont indiqué lors d'une réunion de ce mercredi qu'ils cotisent quotidiennement 500 francs pour les motos et 100 francs pour les vélos. Mais une année s'écoule sans compte rendu de l'utilisation de leurs cotisations, déplorent-ils des cotisations qui devraient servir selon eux à leur bien-être familial, y compris des soins en cas de malade, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, demandent par conséquent la clarification de la situation. Les représentants des conducteurs de motos et vélos en Ngozi répliquent que ceux qui disent ne pas être au courant de l'affectation de leurs sont ceux qui ne prennent pas part aux réunions organisées. Faux, rétorquent-ils, ils ne réunissent que certains selon les affinités et qualifient cela comme étant une réunion. Le représentant de l'association de régulation et de promotion des coopératives à l'échelle nationale promet de prendre en main ce problème et de faire rapport à qui de droit. Danzem Bosco Ndaishimiye a à cet effet intimé l'ordre aux représentants de ces associations la tenue d'une réunion chaque mois pour rendre compte à ces associations. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et en bref, une des fosses communes renseignées et confirmées sur la colline Minago de la commune Rumonge se trouve à l'intérieur du marché moderne de Minago. Elle a été découverte lors du lancement officiel par la commission Vérité et Réconciliation CVR des travaux d'exhumation des restes humains en commune et province de Rumonge. C'était ce mercredi. Et les habitants du quartier Mouwone dans la zone Buterere à mairie de Bujumbura se plaignent du manque du courant dans leur quartier. Ils disent que les activités de développement sont paralysées pendant que d'autres déplorent le banditisme grandissant où les voleurs profitent de l'obscurité pour commettre leurs forfaits dans des ménages. L'administration à la base dit être au courant de ce problème. En actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a certifié ce mardi 25 août que le continent africain était exempt de poliovirus sauvage 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par un conflit contre les djihadistes de Boko Haram. C'est un moment historique pour l'Afrique, a déclaré la directrice d'Afrique de l'OMS, Machidiso Moeti. À partir de maintenant, les enfants qui naîtront sur ce continent n'auront pas à craindre d'être infectés par la polio. Elle était endémique partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. Les pays les plus riches y ont eu rapidement accès, mais l'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux. Et seuls deux pays au monde comptent aujourd'hui des contaminations par le poliovirus sauvage. Il s'agit de l'Afghanistan avec 29 cas en 2020 et le Pakistan avec 58 cas recensés. Et l'ancien président Laurent Gbagbo est bel et bien radié de la liste électorale ivoirienne. La justice a confirmé la décision de la commission électorale indépendante rendue la semaine dernière. Aucun recours n'est possible devant une juridiction ivoirienne. N'étant plus électeur, il ne peut être candidat. À Bruxelles, où il vit depuis sa libération conditionnelle par la Cour pénale internationale, la CPI, Laurent Gbagbo, à qui le droit international permet de se rendre en Côte d'Ivoire, est toujours dans l'attente d'un passeport ivoirien pour rentrer au pays. On revient maintenant sur le reportage de Jean-Marie Mayonga qui nous parle des plaintes de la population de Mouboné. Ces gens se plaignent du manque d'eau courante électrique et Jean-Marie Mayonga y a été pour nous. Reportage. Quartier Mubone ni yibanye yayo ya Mugaruru nizo zonyene zitagira matara abana bacu ntibiga beratamuyaga nkuba. Ce sont les habitants de cette localité qui disent que le manque d'électricité handicape leur développement. Ça date de longtemps et que la promesse date de longtemps qu'on nous avait promis que 2020 après les élections qu'on aura de l'électricité, mais nous n'avons pas encore vu même un signe de débit. On ne sait pas de quoi il s'agit aussi, nous nous la manque. L'absence d'électricité, ça cause beaucoup de conséquences. Il y a des banditisme, il y a manque de connaissances, puisque s'il y a beaucoup des étudiants ou des élèves qui puissent tirer en profit à la présence d'électricité, ils ne puissent pas avoir ça. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de conséquences dit à la manque d'électricité. Ces habitants demandent que ce quartier soit éclairé comme d'autres pour qu'ils puissent travailler comme les autres citoyens. Je demande à la diligence de vouloir considérer notre quartier comme le quartier de Terere, de Kinyangong, de Kirasazi, de Maranvia et ailleurs comme les autres, parce que nous sommes aussi concernés. Demandeurs d'électricité ici à Mboné, c'est pourquoi nous demandons aux autorités ou bien au gouvernement de nous considérer comme de la population burundaise et de nous donner de l'électricité. Au sein de l'administration à la base, Julien Manirambona, chef de ce quartier, dit qu'il est au courant de cette situation et demande à la régie des eaux de leur donner du courant. Cette situation de manque d'électricité dans ce quartier Mouboné se présente ainsi alors que plusieurs correspondances ont été adressées à la régie des eaux mais sans issue favorable. Parle, rassure-moi. Je l'avais annoncé dans les titres, la fabrication d'un mauvais leader né de l'impunité dont jouissent malheureusement les malfaiteurs au lieu d'être sanctionnés. Le professeur et politologue Elias Senhamba déclare que ces situations conduisent à des violences de masse parce qu'aucune décision n'a été prise pour déconstruire un mauvais comportement. Le professeur Senhamba propose de punir individuellement les auteurs d'infractions afin de décourager ce comportement. Ornella Mouch. La sensibilisation et globalisation que tel groupe de gens est mauvais est due généralement à l'impunité des malfaiteurs. Le professeur en sciences politiques Elias Senhamba précise que le non-sanctionnement vient appuyer l'auteur à persévérer dans ses erreurs. Et le problème, c'est que les victimes sont cantonnées globalement en disant « les Tutsis sont comme ça, les Hutus c'est comme ça ». Comme si tous les membres du groupe ethnique Tutsi, du groupe ethnique Hutu, sont soit victimes, soit bourreaux. Parce que précisément, en 65, 69, 72, 88, 93, notamment même 2015, on n'a jamais sanctionné pénalement, donc individuellement, l'acteur qui a commis telle ou telle autre infraction. Autrement dit, la fabrication d'un leadership négatif vient du fait que dans le passé, on n'a jamais sanctionné les crimes, on n'a jamais sanctionné les infractions graves. Quitte à ce que les gens finissent par dire « tel c'est un homme » parce qu'il est riche après avoir pillé par exemple. Professeur Senhamba montre pourquoi il peut y avoir le silence des autorités au moment où il y a propagation des messages haineux. La raison est que les différents responsables sont aussi les fils et filles de cette mauvaise gouvernance qui a caractérisé notre passé. Nos responsables sont les membres de notre société avec les rancœurs qui tapissent notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir. En fait, ces mauvais leaders qui ont propagé ces messages, ils ont dit, je le répète, oh, ce que toute la communauté a pensé tout bas. Et le problème, c'est que justement, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Ces messages ne sont pas combattus, ne sont pas sanctionnés parce que la majorité des gens pensent comme ça. Selon toujours lui, l'impunité cause à la longue des violences de masse. Dans tous les pays du monde où il y a eu génocide, par exemple, on a commencé par dire « ces gens-là sont mauvais » avec le temps. Étape suivante, vous, ceux-là, ce ne sont pas des humains. Imaginez-vous, ils ont fait ABC, ce ne sont pas des humains, ce sont des fauves. Ce ne sont pas des serpents, d'un exemple, des cancrelats. Et un jour, on dit « voilà, ces cancrelats, il faut qu'on se venge ». En cancrelats, on les crase. En serpent, on le tue. facilement. Parce qu'on en est venu à déshumaniser. C'est la voie vers le génocide, vers les violences de masse. Ça devient facile. Il propose à la CVR et aux administratifs de prendre en main cette question. On met les noms sur toutes les victimes, on met les noms sur tous leurs bourreaux et on sanctionne les bourreaux conformément à la loi. Et dans le futur, on dit voilà la voie qui est là, que nous devons emprunter pour sortir définitivement de cela. Celui qui fera ça, il sera sanctionné par ABCD. La loi pénale est là pour cela. La CVR, si elle pouvait avoir les moyens suffisants et pouvait avoir une bonne orientation suffisante, elle pourrait dégager les responsabilités des uns et des autres, permettre à la justice de sanctionner les coupables qui sont encore en vie, et n'est-ce pas? Et comme ça, participer à la déglobalisation des victimes et des bourreaux. Il demande à la population burundaise de toujours tirer une leçon du passé pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Merci Ornella Mucho, merci Dr Elias Enamba pour ces éclairages. Et je l'apprends en même temps que vous en actualité sous-régionale. Le Rwanda a émis un mandat d'arrêt international contre Aloïse Ntiwiragabo, chef des renseignements militaires pendant le génocide au Rwanda en 1994, à l'encontre duquel une enquête préliminaire pour crimes contre l'humanité a été récemment ouverte en France où il pourrait résider. C'est ce qu'a annoncé le parquet rwandais quand Média français affirme avoir retrouvé en France, a déclaré mardi à la presse le procureur général rwandais Aimable Havugiyaremye. Voilà, il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Au micro Jean Bosco, nous, il m'en a passé un bon après-midi.